Dans chaque visage, une image, un sourire. Dans chaque regard, des milliards de souvenirs. Des vieillards, des bavards sans âge. À leur table incroyable, on partage. Des gamins, des humains en qui croient. Mes amis, mes frères, mon histoire. Je les porte en mon cœur. Dans le leur, c'est grâce à ça que je grandis, l'amour de mes amis. Dans chaque maison, une raison, une folie. Dans chaque parole, une folle anarchie. Je visite où ils habitent, c'est leur monde. Un instant, 300 ans, une seconde. Des discours pleins d'amour et d'efforts, sous mes yeux, la vérité de leur corps. Je suis en leur présence, ils me donnent du sens, beaucoup de respect, quelques envies, dans l'amour de mes amis. Dans chaque lettre, un peut-être, un demain, dans chaque départ, nous revoir, et certains les uns bâtissent, d'autres vieillissent, sont des morpions, certains s'envolent, trouvent un guignol et changent de nom. À leur image que j'en appelle. Où que j'aille, où que je sois, je les emporte avec moi. Dans ma tête, dans mon cœur aussi, j'ai toujours l'amour de mes amis. Dans chaque visage, une image, un sourire. Dans chaque regard, des milliards de souvenirs. Des vieillards, des bavards sans âge. À leur table incroyable, on partage. Des gamins, des humains en qui croient. Mes amis, mes frères, mon histoire. Je les porte en mon cœur. Ils me portent dans le leur. Quand l'eau de ma source tarit, je vais boire.